الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. دقيق أبو عمرو إلى تجاب عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أدي جدي أو مساجد الله dis-moi au sujet de l'islam une parole sur laquelle je n'interrogerai personne en dehors de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis, j'ai cru en Allah, ensuite observe la droiture. Dis, j'ai cru en Allah, puis observe la droiture. Apporté par l'imam Muslim. De ce hadith, on voit حرص الصحابة على تعلم الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم أحرص الناس على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على العمل بما علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه شاهد بذلك. Ici on voit la motivation des compagnons رضي الله عنهم dans le fait de prendre la science et le bien du prophète صلى الله عليه وسلم. Et dans de nombreux hadiths, on voit qu'ils venaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner dans leurs affaires, pour le questionner dans leur adoration, pour lui demander ce qui fait rentrer au paradis, pour lui demander comment éviter l'enfer, pour lui demander au sujet du bon comportement, au sujet de l'islam, au sujet de la foi. Et dans toutes leurs affaires, ils revenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le sahabi, radiallahu anhu, nous montre l'importance de la bonne formulation lorsqu'on a une question à poser. حسن السؤال يدل على ذكاء الطالب. La formulation de la question montre l'intelligence de l'étudiant et le bon comportement de l'étudiant. Et ici, Sufyan radiallahu anhu a formulé sa question de la meilleure manière. Et il attend du prophète sallallahu alayhi wa sallam une réponse englobant tout ce qu'il recherche. Chose que lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sufyan ibn Abdillah radiallahu anhu nous dit « Qultu ya Rasul » J'ai dit au messager d'Allah. Ça c'est le juste milieu. « Wa abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab » Anzilu an-nas manazilah. Il l'a appelé par son rang. « Ya Rasul Allah » Au messager d'Allah. Ça n'est pas une divinité qu'on adore, mais ça n'est pas un homme comme les autres dont on peut prendre les paroles ou les rejeter. Non, c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qu'il nous dit, on l'accepte. Ce qu'il nous ordonne, on le met en pratique. Ce qu'il nous interdit, on s'en abstient. Et on certifie l'ensemble de ses dires, car c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce que Sofiane a questionné? Pourquoi est-ce que Sofiane l'a questionné sur cela? Car c'est le message d'Allah. Car c'est la créature la plus pieuse, la plus savante, celui qui connaît le mieux Allah tabaraka wa ta'ala et le chemin menant à son agrément. Alors il lui dit, Ya Rasulallah, Qulli fil Islam, dis-moi à propos de l'islam. فسؤال سفيان رضي الله عنه يتعلق بهذا الأمر العظيم بالإسلام. يا رسول الله قل لي في الإسلام أي لا في الدنيا وحطامها لا في الدنيا الفانية وسلطانها والملك لا بل في الإسلام فيما يقربني من الله سبحانه وتعالى فيما به النجاة في الدنيا والآخرة أخبرني عن هذا الدين. Donc, Sofiane a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une chose concernant l'islam. Pas sur ce bas monde et ses richesses et ses plaisirs, ses délices, non, sur l'islam. Pas sur ce bas monde, le pouvoir, la royauté et autres, non, mais sur l'islam. Et cela nous montre comment l'islam avait une place chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment cet islam-là étaient ancrés dans leur cœur, ils étaient véridiques. Ils étaient véridiques. L'islam est rentré dans leur vie et eux sont rentrés dans l'islam. Ils n'ont pas joué avec cette religion, n'ont pas pris un bout de la religion et délaissé une autre partie, non. Mais ils sont rentrés dans la religion comme Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Ou vous qui avez cru, Allah azza wa jalla nous ordonne dans le Coran et s'adresse aux croyants d'entrer dans la religion entièrement, de prendre cette religion de la manière la plus complète, totalement. قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. Dis-moi au sujet de l'islam une parole sur laquelle je n'interrogerai personne après toi. Pourquoi cela? Car c'est Rasulullah. وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ بالله سبحانه وتعالى وبحقوقه وبالطريق المرسلة إلى جنته. Pourquoi est-ce qu'il ne questionnera personne après lui? Car c'est le messager d'Allah. C'est la créature la plus savante sur son Seigneur. C'est la créature qui connaît le mieux le chemin menant à l'agrément de son Seigneur. C'est la créature qui peut le mieux nous démontrer, nous enseigner et nous diriger vers le chemin qui mène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui préserve de son enfer. Donc après avoir questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne pourras jamais questionner quelqu'un de plus simple. Et tu ne pourras jamais recevoir aussi une réponse meilleure, plus sage que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu à la hauteur de ses attentes. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ وَهَذَا الْجَوَابُ بُرْهَانٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ أُوْتِيَ جَوَامِعُ الْكَلِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. La réponse du prophète صلى الله عليه وسلم tient sur une ligne. Dit, j'ai cru en Allah, puis observe la droiture. Et ce hadith est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Et qu'on lui a accordé ce qu'on appelle Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim sont, on peut expliquer cela en deux mots, en 10 ans. C'est une parole courte qui est lourde de sens. Le nombre de mots mais yani restreint, mais le sens tiré est immense. Et le sens tiré est immense. Et Jawami'ul Kalim se divise en deux. Il y a le Coran, ce qu'on a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on lui a révélé, il y a le Coran. Et il y a aussi As-Sunnah. Il y a aussi As-Sunnah. Et le plus souvent, ce qu'on entend par Jawami'ul Kalim, c'est As-Sunnah, c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les savants ont dit, si l'ensemble des savants, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se seraient réunis pour répondre à cette question, ils n'auraient pas pu ramener la même réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu son éducation, lui, de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce qu'il nous a transmis, lui, lui venait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il nous le dit dans le Coran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et il ne parle pas selon ses passions, mais ça n'est qu'une révélation inspirée. Il nous faut maintenant comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole se compose de deux parties. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمْ. La première chose, الْإِيمَانُ بِاللَّهِ. La deuxième chose, الْإِسْتِقَامَ. La première chose, الْإِيمَانُ بِاللَّهِ. Et la deuxième, الْإِسْتِقَامَ. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ. Ce sahabi, Sufyan ibn Abdillah radiallahu anhu, n'est-il pas déjà musulman? N'est-il pas déjà croyant? Pourquoi alors est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qul amantu billah » ? Dit « J'ai cru en Allah » Dit « J'ai cru en Allah » El mu'min ou bien el kafir a besoin du iman billah pour rentrer dans l'islam. Et el mu'min ou il muslim a besoin du iman pour jaddad, pour revivifier son iman, pour augmenter son iman, pour concrétiser son iman et pour parfaire son iman. Chaque musulman a besoin d'islam. Et chaque croyant a besoin de foi et d'augmenter sa foi. Car plus tu adores Allah tabaraka wa ta'ala, plus ta foi augmente. Et comme on a cité et répété, Al-Iman yazid wa yanqus. Wa qawlun amal mu'atiqad yazid wa yanqus. Al-Iman inda ahli sunnah, c'est une parole sur la langue. Une croyance dans le cœur, des actions avec les membres. Ça augmente avec l'obéissance à Allah subhanahu et ça diminue avec sa désobéissance. Donc tu as constamment besoin de revivifier ta foi et de l'augmenter. Et combien de fois par jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, wa hu ala kulli shay'in qadir. Et dans combien de hadith on nous recommande cela? Et dans combien d'adorations on nous a légiféré cela? Tout ça pour revivifier notre foi, pour augmenter notre foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc ici, Qul, il lui dit de dire cette parole. Et il ne lui a pas dit, crois en Allah, car il est déjà croyant. Il est déjà croyant, mais il lui a dit, Amantu billah, j'ai cru en Allah. Cette parole, ou la façon qui a été citée, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam va englober toute la croyance, va englober tout l'islam. Car le compagnon ici a questionné sur l'islam. Bon, on avait cité une règle dans le deuxième hadith que nous avons étudié, hadith Jibril, et on avait cité cette même règle dans le livre Al-Usul al-Salata ou Salatat al-Usul. Hadith al-Qa'da hiya anna al-Iman idha ufrida yashmalu al-Islam ma'an. والإسلام إذا أفرد يشمل الإيمان معا. Donc, lorsqu'on cite dans le Coran ou la Sunna, le mot Islam s'englobe aussi la foi, l'Iman. Et lorsqu'on cite l'Iman tout seul, s'englobe aussi l'Islam. Mais si on cite dans un hadith les deux termes, comme dans le hadith Jibril, أخبرني عن الإسلام, أخبرني عن الإيمان, ici il y a les deux mots qui sont cités dans le même contexte. Alors, l'islam aura pour sens les adorations apparentes. Al-shahada, c'est une parole qu'on entend. Al-salah, c'est une action qu'on voit. Al-zakah, c'est une chose qu'on sort, qu'on voit, et ainsi de suite. Et l'iman sera alors la croyance, les choses intérieures. La foi en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, et ainsi de suite. Mais ici, on a cité l'islam tout seul, donc s'englobe aussi la foi. Ce sahabi questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici sur la religion tout entière. Sur la religion tout entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Qul amantu billah. Prononce cette parole. Et l'iman à la base c'est dans le cœur. Est-ce que c'est ce qui est voulu ici, le sens l'orawi, at-tasdiq? Non. Mais on veut l'iman religieux, ce qui englobera les paroles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Qul amantu billah » Proclame cette parole. Fais entendre cette parole. Et toute chose qui entend cela témoignera pour toi yawm al-qiyam. Rentre donc ici dans l'iman billah. le fait de reconnaître qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa al-khaliq wahda. Awalan tu'min bi wujudihi. Thaniyan tu'min bi rububiyyatihi wa annahu al-khaliq wahda subhanahu wa ta'ala. Al-malik wahdahu la sharika lah. Al-mudabbir tabaraka wa ta'ala yuhyi wa yumit. بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. ثانيا تؤمن بأنه الإله الحق لا شريك له، وأن العبادة حق له، وأن لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والقرآن مليء بالأمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بل دعوة جميع الأنبياء والرسل مبنية على ذلك، كما قال ربنا في كتاب الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمر الرابع أن تؤمن بكمال الله سبحانه وتعالى في جميع أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتثبت ما أثبته الله لنفسه في كتاب الكريم أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين من غير تمثيل ولا تعطيل، إثبات بدون تمثيل وتنزيه بدون تعطيل على ما قاله الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله المثل الأعلى جل وعلا. ومن اعتقد ما ذكرت فهو آمن بالله حقا. Donc en premier lieu, ce qui entre dans l'iman billah, le fait de croire en son existence. Deuxièmement, le fait de croire en son unicité dans la Seigneurie. Tu dois reconnaître que c'est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gère. C'est le seul à donner la vie et la mort. C'est le seul à reprendre la vie. C'est le seul à pouvoir donner des enfants. Il donne à qui il veut un garçon, il donne à qui il veut une fille, ou il joue entre les deux. C'est le seul à te donner ta subsistance. C'est celui qui te guérit lorsque tu es malade. C'est pour cela que tu dois venir avec le troisième point, qui est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans la divinité, dans le culte. Et ça ne suffit pas de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. Cela était partie intégrante de la croyance de Kuffar Quraysh. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et a rendu leur halal, leur sang et leur argent. Qu'est-ce qui leur a manqué alors? C'est tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tu dois unifier Allah dans le culte. Lorsque tu pries, tu ne pries que pour Allah. Lorsque tu ne jeûnes que pour lui. Tout ce que tu fais comme action, comme adoration, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans associer. Et cela est le message de l'ensemble des prophètes et des messagers. Et celui qui lit le Coran de Al-Fatiha jusqu'à Nas, il trouvera cela détaillé dans le Coran. Et c'est la chose la plus évidente dans le Coran. C'est l'ordre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Et l'interdiction de donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte. Et malgré cela, que c'est la chose la plus claire dans le Coran, et que l'interdit de l'association est la chose la plus claire et récurrente dans le Coran, ben on trouve une grande partie des personnes s'affiliant à l'islam qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit des tombeaux, que ce soit des saints, que ce soit des anges, que ce soit des prophètes, et ainsi de suite. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le fait d'adorer Allah et un autre qu'Allah, c'est la religion de Abu Lahab. C'est la religion de Kuffar Quraysh. Et le fait d'adorer Allah dans un culte sincère, c'est la religion de Nuh. C'est la religion de Moussa alayhi salam. C'est la religion de Isa, en passant par Ibrahim et l'ensemble des messagers et prophètes, pour finir avec la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes et messagers sont venus avec cette voie. Ils ont divergé par moments dans la législation, dans le halal et le haram, car Allah Azza wa Jal légifère à chacun ce qu'il, yani avec sagesse, ce qu'il faut, dans le sens ce qui convient à son serviteur. Subhanahu wa ta'ala alimul hakim, ala ya'lamu man khala wa huwa al-latif al-khabir. Par contre, dans le culte, dans la croyance, non, plutôt dans la croyance, il n'y a eu aucune divergence entre eux. Il n'y a eu aucune divergence entre eux. Mais Allah a envoyé dans chaque communauté un prophète ou un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah, éloignez-vous de ce qu'il y a en dehors de lui. Tu dois aussi reconnaître qu'Allah Azza wa Jal a la perfection absolue dans tous ses noms, dans tous ses attributs. Il est exempté de tout défaut. Le mal ne l'approche pas. Le défaut ne l'approche pas. Mais il a la perfection totale. Il a la description la plus parfaite, la plus complète. Chaque nom que tu trouves dans le Coran, sache qu'il contient un attribut, au minimum. Mais cet attribut est parfait, ne comprenant aucun défaut, aucun manquement. Subhanahu wa ta'ala. Prends pour exemple la science d'Allah, Al-Alim. Voici un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le savant. Ce nom-là contient un attribut qui est Al-Ilm, la science. Ben sache que cette science, la science d'Allah Azza wa Jal, est shamila, kamila. La yanko souche. Il ne manque rien à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait le passé. Il sait le présent. Il sait le futur. Et même ce qui n'est pas, si cela avait été, il sait comment cela se serait déroulé. Est-ce qu'il manque quelque chose à la science d'Allah? Non. Il connaît ce qui est général comme ce qui est en détail. Il connaît ce qui concerne les cieux, les terres, les mers, la nuit, le jour. Il n'y a rien qui lui soit caché. Donc c'est Al-Alim subhanahu wa ta'ala. Et on dit la même chose pour l'ensemble de ses noms et l'ensemble de ses attributs. Et on ne change pas le sens de ses attributs. Et on n'altère pas le sens. On garde le sens de la langue arabe qui est connu dans la langue arabe. Et on comprend les textes comme les ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, celui qui vient dans le Coran, par exemple, Allah dit dans le Coran, Ar-Rahman al-Arshissawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Et lui dit non, Al-Istiwa en vrai ça ne veut pas dire s'élever, mais ça veut dire ça, mais ça veut dire ça, et il change le sens du Coran. Là. Hada mu'attil jahmi. Ou bien donner des noms à Allah qu'il ne s'est pas donné à lui-même. Et parler sur Allah selon ce qu'il n'a pas dit lui-même. Non, qui est-ce qui se connaît le mieux? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on dit sur Allah que ce qu'il a dit sur lui-même. On ne dépasse pas le Coran ni la Sunna. On ne dépasse pas le Coran ni la Sunna. لَنَّ هَذَا مِنْ مَا لَا يُثْبَتْ إِلَّا بِالْخَبَرِ هَذَا أَمْرٌ تَوْقِيفٍ. Car ce chapitre-là, les noms des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un chapitre où on a besoin d'informations pour pouvoir s'exprimer. Soit dans le Coran, soit dans la sunnah acceptée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, rentre dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala le fait de croire aux anges, le fait de croire à l'ensemble des livres qui ont été révélés, le fait de croire aux prophètes. Pourquoi cela? Car Allah nous a informé de cela dans son livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis cela. Donc celui qui croit en Allah va croire aux anges. Celui qui croit en Allah va croire au jour dernier. Pourquoi? Car Allah nous a informé de cela dans son livre. Donc tu dois avoir comme croyance qu'il y a un jour où nous allons mourir, on sera ressuscité, on sera jugé. Celui qui a fait du bien recevra la rétribution, elle sera à l'image de ses actions. Et celui qui a fait du mal recevra sa rétribution, et elle sera à l'image de ses actions, où Allah le pardonnera s'il meurt dans la communauté musulmane. Par contre, s'il meurt en dehors de l'islam, فَالنَّارُ النَّارُ وَلَيْسَ لَهُ نَصِيرٌ إِلَّا ذَلِكَ. Donc, rentre dans la foi en Allah Azza wa Jal. Ce qui a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, tout ce qui rentre dans la croyance, sans exception. Toute la aqida entre dans ce hadith. Tous les piliers de la foi entrent dans ce hadith. Donc, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ثُمَّ اسْتَقِيمْ. Et emprunte la droiture. Dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ici, on peut même rentrer les actions apparentes, car l'islam a été cité ici tout seul, ça englobe donc non seulement, ou bien l'iman a été cité tout seul, ça englobe donc la foi en Allah azza wa jalla, arkanul iman, et ça englobe aussi l'islam, l'amal, al-zahir, l'a'mal al-zahir. Donc tu dois accomplir la prière, tu dois t'acquitter de l'aumône, Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime est à lui. Et ce qui a été dit ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'ordonner la foi à quelqu'un qui est déjà croyant, c'est une chose qu'on trouve également dans le Coran. Allah Azza wa Jal ordonne des choses qui sont déjà faites. Mais l'amr, talabu iqa'i shay ou l'istimra, si ce n'est que l'impératif, ça englobe deux choses. Soit tu demandes à la personne de faire une chose qu'il n'a pas faite, ou tu lui demandes de continuer une chose qu'il est en train de faire. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de sourate Al-Ahzab, Ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirina wa la al-munafiqin. طيب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. Allah Azza wa Jal ordonne à son messager dans le Coran, il lui dit: ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux mécréants ni aux hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas Sayyidul Muttaqin? N'est-il pas celui qui est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala? Sans aucun doute. Pourtant Allah lui dit ittaqillah. Que veut dire cela? Ay istamir. Istamir fi taqwa. Ça veut dire continue à craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Continue à craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu aminu wa hakadha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, soyez croyants. Pourtant nous avons cru. C'est-à-dire, continue à être croyant. Augmente ta croyance. Reste ferme dans ta croyance. Veille à ne mourir que dans la croyance, que dans l'islam, que dans la foi, que dans l'islam. Comme Allah nous dit dans la fin de ce verset, et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Allez, reste comme cela, reste régulier. Et veille à ne mourir que dans l'islam et que dans la foi. Et la personne ne doit pas se sentir à l'abri de l'égarement. Certains parmi les pieux prédécesseurs comme Sufyan al-Thawri et d'autres disaient: la chose dont je crains le plus pour moi, c'est d'arriver proche de la mort et qu'on m'enlève la foi tout entière. Subhanallah. Et ils avaient peur de su'ul khatimah. Comme on a vu dans le quatrième hadith, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'. فَيَسْبِقُ عَلِي الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait de se sentir à l'abri et nous dit: l'un d'entre vous ne cesse d'agir avec les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et entre au paradis qu'un empan. Son livre le rattrape, son destin le rattrape, ce qu'Allah a su de lui le rattrape. Il agit donc avec les actions des habitants de l'enfer et rentre en enfer. Et rentre en enfer. Donc on ne doit pas se sentir à l'abri. Mais on doit demander à Allah Azza wa Jalla qu'il nous préserve du mal, qu'il nous maintienne sur le bien et qu'il augmente à notre foi de la foi et nous permette de mourir sur cet islam. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: thumma staqim. Thumma, les tartib. Thumma, ensuite. Ça veut dire qu'il va faire la première chose, ensuite il va faire la deuxième chose. C'est comme s'il y avait besoin d'un temps d'adaptation pour réunir tout l'essence de ce conseil. Qul amantu billah. Tu dois faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Si tu réunis tout cela, il te faudra rester ferme sur ce chemin-là. Il te faudra rester mustaqim. Al-istiqama fi'lu ma amara Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu. Wa dawamu ala dhalik. Al-istiqama, c'est quoi? C'est le fait de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Le fait de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné. Wa tarku ma naha Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et il te faut ajouter également le fait de délaisser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit ou t'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'istiqama totale, c'est mettre en pratique tout l'islam. L'istiqama totale, c'est mettre en pratique tout l'islam. Il y a ce qu'on appelle les karamat, c'est les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala donne à certains de ses serviteurs. Et ça fait partie de la croyance de Ahl Sunna, le fait de croire aux miracles. Il y a le mu'ajiza, ce qui est donné au prophète ou au messager, pour témoigner de sa véracité quant au fait qu'il est l'envoyé d'Allah subhanahu. Il y a aussi le karama, ce qu'on donne à des gens pieux. D'accord? Et le karama, ça n'est pas le fait de marcher sur l'eau et de voler dans les airs. La plus grande karama, comme cela a été cité par certains savants parmi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, si mon souvenir est bon, la plus grande karama, c'est l'istiqama hatta al-mamat. Le plus grand miracle qu'Allah donne à son serviteur, c'est le fait de rester sur le chemin de la droiture dans l'islam jusqu'à mourir. Ça, c'est le plus grand miracle. Ça, c'est le meilleur don qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Il te guide à l'islam et te permet de rester mustaqim. Et te permet de rester mustaqim. Et l'istiqama, quelqu'un de mustaqim, c'est quelqu'un de pieux qui emprunte le chemin de la droiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour alors qu'il était avec ses compagnons, a tracé un trait et a dit Hada sabilullah, voici le chemin d'Allah. Khatta khatta mustaqim, il a fait un chemin droit. Ensuite, il a fait d'autres chemins sur le côté et a dit Hadi subul, voici les sentiers. À la tête de chacun de ces sentiers, il y a un shaytan qui appelle. Donc toi, tu dois suivre quoi? As-sirat al-mustaqim. Et si on regarde dans le Coran, on voit que le Coran nous appelle à l'istiqama. En commençant par Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Allah t'appelle à l'istiqama dans ce verset. À reconnaître qu'il est le seul et unique Seigneur des mondes. Donc celui qui t'a tout donné. Celui qui possède tout. Celui donc que tu dois aimer par-dessus tout. Ar-Rahman ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui qui a donc des attributs parfaits et complets. Et parmi ceux-là, Ar-Rahman. Malik Yawmiddin. On t'appelle à l'istiqama ici. Tu es sur cette dunya, mais tu ne dois pas oublier l'au-delà. Car tu vas revenir vers Allah Azza wa Jal. C'est lui le maître, le seigneur des mondes. Le maître, ou bien le roi du jour du jugement dernier. Ça, c'est l'istiqama. Tu vis sur cette dunya, mais tu n'oublies pas l'au-delà. Car l'istiqama, c'est le juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Et ensuite on t'appelle à la grande istiqama, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Ça c'est l'istiqama, le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla, un culte sincère. L'istiqama entre quoi? Entre le mushrikoun, les associateurs qui ont adoré Allah et d'autres. Et entre le mulhidoun, ceux qui ont délaissé complètement l'adoration. Toi tu es dans l'istiqama, le juste milieu. Tu adores Allah Azza wa Jalla mais sans lui donner d'associé. Ensuite Ihdina sirat al-mustaqim. Tu demandes à Allah l'istiqama. Guide-nous dans le sentier de ceux qui ont emprunté, ou bien guide-nous dans le chemin droit. Le chemin de qui? Min alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Comme cela est venu dans ta sourate al-Fatiha. Qui sont le chemin? Yani sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Qui sont-ils? Allah nous dit dans le Coran: وَمَنْ يُدْعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ. Celui qui obéit à Allah et son message. Donc celui qui est mustaqim. فَوَلَّاكَ مَعَ الَّذِينَ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Qui sont-ils, ya Allah? Les prophètes, les véridiques, les martyrs, les gens pieux. C'est eux. Celui qui est mustaqim, il sera fil jannah avec ces gens-là. Subhanallah. Il sera fil jannah avec ces gens-là. Ihdina sirat al-mustaqim. L'istiqama a une place tellement importante dans notre religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par pitié envers ses faibles serviteurs, a rendu obligatoire la récitation de l'Fatiha 17 fois minimum dans la journée. Tu vas réciter cela 2 fois au fait. Ça c'est pour celui qui ne fait aucune nafila. Au fait, tu vas faire 2 rak'a. Au dhuhr et au asr, ça va faire 8, ça fait 10. Ensuite tu vas rajouter le maghrib, ça fait 13. Et ensuite tu vas rajouter 4 au isha. Et tu auras dit donc combien de fois? Ihdina sirat al-mustaqim. Tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala 17 fois l'istiqama par jour. Au minimum. Au minimum. Cela nous montre quoi? Ahammiyatu l'istiqama. Wa shiddatu hajati al-'abd ila l'istiqama. Ça nous montre l'importance de l'istiqama, mais ça nous montre aussi combien le serviteur a besoin de l'istiqama pour réussir dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. On a Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa l'i'an. Quels sont les, ou bien parmi les mérites de l'istiqama et les récompenses qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à son serviteur pour avoir été mustaqim dans ce bas monde, il y a l'aide. Allah Azza wa Jal t'aide. Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde la réussite. Allah tabaraka wa ta'ala met la bénédiction dans ta santé, dans ta famille, dans tes enfants, dans ton argent et dans tout ce que tu entreprends dans ce bas monde. Allah te préserve des passions. Allah t'éloigne des gens qui veulent ton mal. Allah te protège même de ceux qui te trahissent et de ceux qui veulent ton mal. Si toi tu es moustaqim, tu es droit. Et tu te soucies d'adorer Allah Azza wa Jal et de te préserver de la désobéissance, ben sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'abandonne pas. Même si des ennemis complotent derrière ton dos, Allah Azza wa Jal yahsibuk. Allah tabaraka wa ta'ala yahfazuk. Allah tabaraka wa ta'ala yudafi'u anik. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela dans le Coran. Ça c'est dans ce bab. Ça c'est dans ce bab. Au moment où on t'enlève ton âme, c'est le moment le plus difficile que le serviteur connaît lorsqu'il est sur ce bab. C'est le moment où l'ange de la mort vient avec d'autres anges pour retirer ton âme. Si tu es bien avec Malaikatul Rahma, l'ange Malaikul Maut vient avec les anges de la miséricorde. Ce moment, à ce moment, tu es pris d'une crainte immense et d'une tristesse immense. Tu as une crainte et tu as une tristesse. Tu as une crainte pourquoi? Car tu vas entreprendre un voyage que tu n'as jamais entrepris auparavant. Et tu as une tristesse pourquoi? Car tu vas te séparer de ta famille, de tes biens, de tes épouses, de tes enfants. Et de cette terre sur laquelle tu adorais Allah tabaraka wa ta'ala et tu préparais ton au-delà. Mais combien parmi nous avons mal préparé ce voyage? Alors la crainte va s'installer, la tristesse va s'installer. La crainte sera proportionnelle à tes actions, mais la tristesse touchera tout le monde. Pourquoi? Parce que les gens pieux et les autres seront tristes. Ceux qui sont pieux seront tristes de ne pas avoir fait plus. Et ceux qui sont mauvais seront tristes de ne pas avoir bien agi. À ce moment-là, Ahlul Istiqama yatamayyazun 'anil akhar. Mais à ce moment-là, les gens qui ont emprunté la droiture dans ce bas monde vont se distinguer des autres. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alayhimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzan. Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Fussilat, ceux qui ont cru, ceux qui ont dit, comme c'est venu dans le hadith, ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah. Thumma saqam, puis ont suivi le chemin de droiture. Tatanazzal alayhimul malaika. Les anges vont descendre en se succédant un par un sur eux. On n'a pas dit tanzil, on a dit tatanazzal. Sakata par exemple s'est tombé, mais ta sakata s'est tombée une par une, comme des pommes qui tomberaient d'un arbre. Ben les anges vont descendre comme ça sur toi, se succéder, comme pour te tranquilliser et rajouter de la tranquillité après la tranquillité qui t'aura été accordée. Ils vont descendre un par un. Au moment où tu es touché d'une crainte immense et d'une tristesse immense, ils vont descendre pour te dire quoi? N'aie pas peur et ne sois pas triste. N'aie pas peur et ne sois pas triste. N'aie pas peur de quoi? La plupart des savants disent, n'aie pas peur de ce que tu vas rencontrer. N'aie pas peur de ce chemin que tu vas emprunter. N'aie pas peur de ce qui t'arrivera dans ta tombe et au jour du jugement dernier. Et ne sois pas triste de quoi? De ce que tu as laissé sur ce bâton. C'est Allah Azza wa Jal qui va s'en occuper. Pourquoi? Parce que tu as suivi l'istiqama. Tu as suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. Oul, amantu billah, thumma staqim. Quelle sera la rétribution alors? Walayatul malaika. Là, les anges vont venir et vont te montrer qu'ils sont tes alliés. Vont te montrer qu'ils sont venus pour t'aider. Pourquoi cela? Thamaratul istiqam. C'est la récompense qu'Allah Azza wa Jalla t'accorde au moment de mourir pour avoir été mustaqim dans ce bas monde. Est-ce que tu penses que tu te lèves chaque jour pour faire la prière d'El Fajr? Est-ce que tu penses que tu viens chaque jour pour faire salat al-zahr, al-asr, al-maghrib, al-isha et que tout cela disparaît? Là, wallah. Allah Azza wa Jalla te rétribuera pour tout cela. Tu as jeûné le mois de Ramadan, tu as été pieux, tu as été bien envers tes parents, tu as été bien envers le pauvre, l'orphelin, tu as pris soin de ta famille, tu as été juste avec ta famille, tu as respecté les personnes âgées, et ainsi de suite, et tu penses que tout cela va partir? Non. C'est à ce moment-là qu'on va voir véritablement celui qui était mustaqim, ce qu'il va recevoir. Les anges vont venir pour le tranquilliser le jour où au moment où il en a le plus besoin dans ce bas-monde. Ne sois pas triste et n'aie pas peur. Est-ce qu'on s'arrête là? Non. وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. Qui vous avait été promis? Fi al-Qur'an al-Karim. Qui vous a été promis? Fi sunnat al-Mutahhara. Fi qawl sayyid al-mursalin sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum tu'adun, qui vous a été promis dans le Qur'an. Lorsqu'on lit le Qur'an, on voit la promesse du paradis. Lorsqu'on lit la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit la promesse du paradis. Wa man asdaqu min Allahi qila. Wallah la yukhliful mi'an. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Lorsqu'Allah te promet de te châtier, il peut te châtier ou te pardonner. Mais lorsqu'il te promet de te rétribuer dans le bien, de te récompenser, il te donne toujours. Il te donne toujours. Subhanahu wa ta'ala. Les anges viennent et te montrent qu'ils sont tes alliés. Tout comme ils ont fait cela dans ce bas monde. Ils étaient avec toi pour noter tes bonnes actions. Il y en a un devant toi et un derrière toi pour t'aider et te protéger. Et lorsque le destin vient, il s'éloigne. Il s'éloigne. Et regardez la walaya des anges à la bataille de Badr. Lorsque le prophète sallam a fait dua lorsqu'il y avait Kuffar Quraysh, les anges sont descendus et sont venus combattre avec les musulmans. Regardez la walaya des anges, l'alliance des anges avec les croyants lorsqu'ils font dua, comme cela est venu dans Sourate Ghafir. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qim 'adhab al jahim. Les anges font dua pour toi dans ce bas. Les anges demandent à Allah azza wa jalla de pardonner tes péchés. Et au moment où tu meurs, ils viennent et te montrent encore cette walaya. Tout cela est le résultat de quoi, mes amis? Al-istiqama. Al-istiqama. Donc lorsqu'on t'appelle à l'istiqama, tu dois courir vers l'istiqama. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous dit wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayati ad-dunya wa bil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurin rahim. Allah tabaraka wa ta'ala nous annonce qu'on aura tout ce que nous voudrons paradis, tout ce que tu veux fil janna. Allah dit wa la mamnu'a, il n'y aura pas d'interdit fil janna, tout ce que tu veux tu auras. Nuzulan. Un nuzul, c'est la chose que tu donnes à ton invité lorsqu'il vient de venir, en attendant que le plat arrive. D'accord? Un nuzul, c'est la première chose que tu avances à ton invité lorsqu'il arrive chez toi, en attendant la suite. Ben, dès que tu arrives fil jannah, tu as un nuzul. Immédiatement, tu es honoré. Tu prends ta place. Et tu connais le chemin encore mieux que tu connais le chemin dans ce bas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Nuzul de qui? Est-ce que c'est le nuzul d'une personne généreuse de ce bas monde, d'une créature? Non, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala accueille son serviteur, qu'est-ce que tu peux attendre? Qu'est-ce que tu peux attendre, d'un Seigneur qui est généreux, riche et qui est chakour, qui reconnaisse, tu fais peu et il te donne beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Donc voici certains bienfaits de l'istiqam. L'istiqam et l'ordre d'Allah à son prophète, tout comme il est l'ordre d'Allah aux croyants. Wastaqim kama umirt. Allah Azza wa Jalla dit à son messager dans le Coran, et emprunte le chemin de la sourature comme cela t'a été ordonné. Il nous faut donc craindre Allah tabaraka wa ta'ala, réunir la foi et ses piliers, réunir l'islam et ses piliers, Et pour que tu sois mustaqim avec tout cela, il te faut aussi ittiba' sunnati nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Il te faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala, mais sans suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas de lui qu'il est mustaqim. Il ne mérite pas l'appellation de mustaqim. Pourquoi cela? Car l'istiqama, on a dit que c'est le juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Et quelle est la voie du juste milieu? C'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on voit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, avec ses proches, avec ses compagnons, et même avec ses ennemis, comment est-ce qu'il était? Avec les animaux, comment est-ce qu'il était? Et si on regarde l'actualité et ce qui se passe dans de nombreux pays, si on voit en temps de guerre comment certains se comportent, et on compare avec l'istiqama qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wah, lorsqu'il attrapait un ennemi, il ordonnait aux compagnons de bien le traiter. Il ordonnait aux compagnons de lui donner à boire et à manger. Et lorsque ces ennemis-là, par moments, étaient libérés, lorsqu'ils rentraient chez eux, on leur demandait comment s'est comporté avec Mohammed, ils répondaient, jamais on n'a vu quelqu'un avec ce caractère. Il ne nous a pas opprimés. Il nous a nourris et abreuvés. Et certains disaient, plus jamais je ne combattrai Mohammed. Subhanallah. Pourquoi cela? Car ils ont vu l'istiqama du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie à laquelle il appelait. L'istiqama dans la mise en pratique de la religion. Et si on compare avec ce qui se passe dans certains pays, comme on entend au jour d'aujourd'hui, Allah musta'an, le fait de prétendre vouloir appliquer la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala en opprimant les gens, cela n'est pas l'istiqama. Dinullah la yadhlim ahad. La religion d'Allah azza wa jalla n'opprime personne. Même le kafir billah al-azim n'est pas opprimé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors du musulman? Et lorsque tu regardes la situation en Syrie, et que tu vois des gens prétendre l'islam, ce qu'ils font à leur peuple, et ce qu'ils font aux musulmans, cela n'a rien à voir avec l'islam ni avec l'istiqama. Lorsque tu vois des personnes qui se font exploser dans certains endroits en prétendant l'islam, cela n'a rien à voir avec l'istiqama. Et donc pour savoir ce qu'est l'istiqama, tu as besoin de science. Comment est-ce que tu vas savoir le chemin du semi-lieu si tu n'as pas étudié? Tu dois savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait. Comment est-ce qu'il jugeait dans telle situation, pour savoir ce qu'est l'istiqama? Comment est-ce que tu te comportes avec le musulman? Comment tu te comportes avec ton voisin? Comment tu te comportes avec ta famille? Comment tu te comportes même avec tes ennemis? Subhanallah. L'islam n'a rien oublié. L'islam n'a rien oublié. Et celui qui met en pratique cet islam, alors il sera mustaqim. Et comme nous avons dit au début de ce cours, ce hadith fait partie de Jawami al-Kalim. Avec tout le temps que nous avons parlé, on ne lui a pas donné son droit. C'est un hadith arabe. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني والعشرون. Le 22e hadith. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. D'après Abu Abdillah, Jabir ibn Abdillah al-Ansari, un homme demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que penses-tu ou informe-moi, si je prie les prières obligatoires, jeûne le mois de Ramadan, rends licite le licite, et rend illicite l'illicite sans rien ajouter à cela. Est-ce que j'entrerai au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, rapporté par l'imam Muslim. L'imam al-Nawawi a ajouté l'explication du mot ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram en disant rendre l'illicite ou rendre le licite licite ay i'taqada hillah. C'est d'avoir comme croyance que ça c'est licite, qu'Allah l'a rendu licite. D'accord? Wa harramtu al-haram. C'est-à-dire qu'il s'éloigne du haram en ayant comme croyance que cette chose est illicite. En ayant comme croyance que cette chose est illicite. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. Il reste combien de temps avant l'adhan? 5 minutes? Alhamdulillah. Premièrement, on va parler de ce compagnon Jabir ibn Abdillah radiallahu عنه. Ça connaît Abu Abdullah. Selon Jabir, est son père est Abdullah, un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort à la bataille de Uhud. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala cite ce hadith après le hadith sur l'istiqara. C'est comme si à travers ce hadith il voulait nous montrer que l'istiqara c'est quelque chose de azim. Et ça n'est pas toute personne qui réussira à arriver à ce rang. Mais si tu n'arrives pas à ce rang-là, tu ne dois pas descendre en dessous d'un certain. Lequel? Le minimum obligatoire religieux. C'est quoi? C'est mettre en pratique ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. C'est le minimum. Si tu descends de cela, tu es dans le péché. Si tu descends de cela, tu es dans le péché. Ce hadith est rapporté par Jabir, pardon, Ibn Abdillah radiallahu anhu. Et une chose qui me revient au hadith, dans le hadith de Abi Mas'ud, il me semble que j'ai dit que son prénom était Uqba ibn Am. C'est Uqba ibn Am. C'est Uqba ibn Am. Taïb. Jabir, radiallahu anhu, fait partie des derniers compagnons qui sont décédés à Médine. Radiallahu anhu. Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, fait partie des compagnons qui sont les derniers à être restés en vie dans la ville de Médine. Et il avait une assise de science dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur. Il nous raconte son histoire et nous dit: je n'ai plus jamais manqué une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis la mort de mon père. Cela car on espère qu'il est mort martyr à la bataille de Uhud. Lorsque son père est mort, il est venu. Et son père était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les compagnons autour. Et vous savez très bien l'état d'un groupe de personnes lorsqu'ils ont perdu une personne qui avait une grande importance dans leur vie, un grand compagnon. Donc ils étaient tristes. Son fils est venu et il a voulu découvrir le visage de son père. Alors les compagnons lui ont dit: ne fais pas ça, par miséricorde pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que les anges ne cessent de couvrir ton père avec leurs ailes. Inna al-mala'ika la tazalu tahtaffu bi ajnihatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à son fils que les anges ne cessent d'abaisser leurs ailes sur son père. Subhanallah. Les anges ne cessent d'abaisser leurs ailes sur ton père, ne cessez d'abaisser leurs ailes sur ton père, hatta rufi'a, jusqu'à ce qu'on a pris ton père pour l'enterrer. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Jabir, donc le fils de ce martyr, inshallah. Et il lui a raconté une chose. Il lui a dit: vois-tu, lorsque ton père est décédé, c'est le seul à qui Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme c'est dans le hadith, ma kallama Allahu sifahan siwa abak. Allah n'a jamais parlé à son serviteur après sa mort directement si ce n'est ton père. Il lui a dit tamanna, dis-moi tout ce que tu veux. Jabir a répondu: atamanna an a'ouda ila al-hayati dunya fa uqatil fi sabilik fa astashhida marratan thaniya. Jabir a répondu: j'espère revenir dans ce bas monde pour combattre encore et remourir une deuxième fois. Allah lui a dit: j'ai interdit cela à mon serviteur. Quand il meurt, il ne peut pas revenir. Alors Jabir a dit, ou bien alors le père a dit: informe ceux qui sont sur terre de ce que tu m'as donné. Informe ceux qui sont sur terre de la récompense que tu m'as donnée. Alors le prophète a informé Maza Jabir de cette bonne nouvelle. Et on continuera, inshallah, ce hadith demain, bi'idnillahi ta'ala. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimana ma jahilna wa yassira lana subul al-khayr. Wa sallahumma ala nabina Muhammad سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.